Yeah. Qui nous met souvent en déroute quand on descend d'un étage, qu'on n'est plus que douleur, refusant d'être sage, on tombe en panne de moteur, le désespoir tourne une page. Mais on est tous connectés, ça c'est la réalité, l'amour, la haine et l'amitié, c'est dans le monde entier. Si ta question est une spirale, la réponse est dans l'infini. S'il faut aller dans les étoiles par la pensée, tu pars d'ici. T'as dépassé, le hasard n'existe pas, tu ne dois pas te torturer, mais essayer de faire un pas. Si trop de lumière t'a éclairé dans une histoire sympa, sois pas dans l'ombre éternité, dans un cercle tracé au compas. Si tu écoutes toutes les musiques, même si elles sont magiques, mais qu'aucune mélodie n'a vraiment réussi à te donner envie de crier merci, il te faut changer de vie, cela ne t'est pas interdit. Tu voles au-dessus des nuages comme si tu étais un mirage, tu te noies, tu crois que tu nages, quand tu craches ta rage, faut que t'arrêtes de planer, car ta réalité t'aura bien vite rattrapé, t'auras que tes yeux pour pleurer. Et que tu gères, dis-toi que c'est que pour un instant, c'est un adjectif, pas un adverbe, il faut le dire en chantant. La vie est vraiment superbe, un éternel recommencement, et tu connais le proverbe, après la pluie c'est beau temps. Battre, toujours sans même comprendre pourquoi le sort s'acharne dans notre destinée. Il faut parler aux arbres et continuer à apprendre pour devenir sans larmes, enfant de l'immensité.